La marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à tous, bienvenue dans la marche des sciences. Et avant de débuter notre émission, je voudrais remercier tous ceux, auditeurs et invités, qui ont témoigné de leur solidarité. Messages parfois envoyés du bout du monde, comme celui du paléontologue Tim Flannery en Australie, ou comme celui de la neurologue Gisèle Gelbert, dont voici un extrait. Fallait-il, pour ouvrir la porte de la vie au bout du tunnel et entrer dans ces grandes étendues de lumière, fallait-il en faire la porte de la mort ? Fallait-il tout arracher, ici et maintenant, à bout de balle, par rafale, par douleur et cri d'horreur ? Fallait-il faucher de ci et de là, trancher le pont entre ceux qui s'aiment ? Fallait-il ? Fallait-il ? Et dans cette programmation radio qui est la nôtre et qui doit continuer aux côtés des émissions de décryptage et d'analyse, nous pensons plus que jamais aux victimes et aux familles touchées. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi vous exprimer sur le site de l'émission La Marche des Sciences. Ce site est là pour vous. L'histoire des sciences est un voyage dans le temps, entre hier et demain, et qui, grâce aux méthodes scientifiques modernes, nous restitue parfois de façon insolite ce temps des sciences qui est aussi le temps des hommes. C'est ainsi que Tromelin, l'île des esclaves oubliée, a été rendue à l'histoire grâce à des scientifiques tenaces. Le 31 juillet 1761, l'Utile, vaisseau de la Compagnie des Indes françaises, qui avait à son bord 122 hommes d'équipage et 160 esclaves malgaches, fit naufrage au large d'un îlot de l'océan Pacifique, près de Madagascar. Le 27 septembre 1761, les marins français quittèrent le lieu sur une embarcation de fortune, laissant à leur sort près de 80 esclaves rescapés, avec la promesse faite de revenir les chercher très vite. Ils attendront 15 ans. À l'issue de ce calvaire, seules 7 femmes et un bébé furent les miraculés de Tromelin. Comment ont-ils survécu ? Quelle organisation ont-ils mise en place pour recréer un espace de vie en communauté et tenter de survivre ? Quelles traces restent-ils aujourd'hui de cette aventure ? De 2006 à 2013, 4 missions archéologiques conduites par Max Guérou et Thomas Romond ont permis de retrouver la trace de ces naufragés du XVIIIe siècle et d'accomplir, au-delà du travail scientifique, un véritable devoir de mémoire. Retour aujourd'hui sur cette double aventure en direct sur France Culture avec Max Guérou, justement, directeur des opérations du groupe de recherche en archéologie navale, auteur avec Thomas Romond du livre Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, un livre paru aux éditions INRAP CNRS. Et cette émission sera émaillée d'extraits du film Les esclaves oubliés de Tromelin, un film de Thierry Ragobert et Emmanuel Roblin, et puis d'extraits également d'archives et de textes lus en direct par le comédien Régis Royer. Et puis en seconde partie d'émission, vers 14h45, nous recevrons l'une des lauréates du prix Irène Joliot-Curie, partenariat France Culture, un prix destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France. Et il s'agit de Ruth Carbalido-Lopez. Elle est docteure en microbiologie et elle a reçu le prix Jeune Femme Scientifique de l'année. Nous découvrirons son parcours et son domaine de recherche tout à l'heure. Mais tout de suite, Tromelin, des esclaves oubliés, rendus à l'histoire. Cette île de Tromelin, en fait, elle est importante pour La Réunion. Pourquoi ? Pour la première fois, je dirais, on peut palper l'esclavage de façon concrète. C'est-à-dire qu'à La Réunion, actuellement, le problème, c'est que si vous voulez visiter un musée de l'esclavage, eh ben, vous n'en avez pas. D'accord ? Malgré le fait qu'une large partie de la population descend d'esclaves, vous n'avez pas de musée d'esclavage. Vous n'avez pas non plus d'éléments matériels, c'est-à-dire pas de chaîne d'esclaves. On pourrait s'étonner que 62 000 esclaves qui sont libérés en 1848 ne laissent plus de traces. Et effectivement, aujourd'hui, ben, la problématique, c'est ça, c'est que on a perdu la trace des cimetières d'esclaves. On a perdu la trace des objets, hein, du quotidien de l'esclave. On a perdu la trace des camps. Donc, on n'a plus de traces palpables des esclaves ou de l'esclavage à La Réunion. Bonjour Max Guéroux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes archéologue, capitaine de vaisseau honoraire, et là, on vient d'entendre un extrait donc de ce film, Les esclaves oubliés de Tromelin. Et donc, il faut effectivement, pour comprendre les propos de l'historien Laurent Ouarot dans ce film, il faut bien situer l'île Tromelin, c'est-à-dire qu'elle est située à 400 km à l'est de Madagascar et à 535 km au nord de l'île de la Réunion. Et donc, il y a cet enjeu, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'elle est devenue un lieu de mémoire de l'esclavage. Oui, à l'issue du travail que l'on a fait, effectivement, c'est un des rares lieux où à la fois l'histoire et les fouilles archéologiques ont livré des éléments qui permettent de raconter une histoire complète. Et donc, c'est tout naturellement que c'est devenu un lieu de mémoire dans l'océan Indien. Et un lieu de mémoire qui est tout à fait particulier parce que aussi dramatique ait été cette histoire, elle est positive pour les esclaves, puisqu'ils ont réussi à survivre. Et oui, et on va découvrir tout ça, et de quelle façon est-ce que vous avez aussi permis d'exhumer cette histoire, de mieux comprendre aussi la micro-société qu'ils ont mise en place. Alors, cette histoire, Max Guéroux, comment vous l'avez retrouvée ? Elle est venue à moi par hasard, puisque bien que travaillant depuis longtemps sur les problèmes d'esclavage avec l'UNESCO en particulier, et cherchant à travailler, puisque mon travail principal, c'est les fouilles archéologiques sous-marines, donc je cherchais un navire négrier sur lequel on puisse faire une fouille archéologique complète. Et tout au cours d'une dizaine d'années, je n'ai jamais trouvé d'épave qui mérite une fouille archéologique de ce type. Et je travaillais donc au Chili, on faisait des prospections sous-marines à Valparaiso, lorsque j'ai recueilli sur mon site, sur ma messagerie, un appel au secours d'un des météorologues qui était sur l'île de Tromelin, disant « il y a une histoire extraordinaire, personne ne veut s'y intéresser, est-ce que ça vous intéresse ?» Et en même temps, on imagine que justement, ces spécialistes qui travaillent sur Tromelin depuis, quand c'est 1954, oui, c'est ça, que oui. La France met en place une station météorologique sur place, enfin, ceux qui sont passés par là depuis 1954 savaient qu'il y avait ces vestiges, non ? Oui, cette histoire était connue dans un petit cercle de gens, et essentiellement des météorologues, qui avaient fait quelques recherches, aussi des pilotes d'avions qui faisaient des liaisons avec l'île avaient fait des recherches. Mais bon, ils n'avaient pas fait des recherches d'une grande ampleur. Ils avaient fait ça à titre personnel, sans souci de développer cette histoire et de s'en servir justement pour faire parler de l'esclavage en général. Et oui, si ce n'est que, on va en parler, quand vous avez fouillé un petit peu tout ça et ces restes en quête d'histoire et de mémoire, vous êtes rendu compte que l'installation de la station avait quand même mis à mal certains vestiges de ce que les esclaves avaient pu bâtir. Oui, mais enfin, il y a guère de fouilles archéologiques qui a été empêché d'avoir la totalité de l'information. Mais depuis que je fais des fouilles, je ne m'énerve plus sur ce genre de problème. C'est-à-dire que je considère que les choses qui ont été oblitérées sont oblitérées. C'est à nous de faire le travail pour le reste. Et oui, et de combler malgré tout. Alors, mission archéologique, et donc avec aussi cette fonction qui va être celle de rendre la parole à ces esclaves oubliés. Voilà, une double dimension. Quatre missions sous-marines et terrestres, et avec en tête pour vous, Max Guéroux, et entre les mains, donc ces quelques archives qui retracent le récit du naufrage, comme ce document, par exemple, que vous avez retrouvé, Relation anonyme du naufrage, et que l'on doit à un homme qui était écrivain de bord, Dubuisson de Kérodic. On écoute un extrait. Descendant me coucher à 10h20 environ, j'ai regardé où nous avions le cap. Il était droit à l'est. Descendant sur le champ, comme j'étais sur la dernière marche de la Sainte-Barbe, le vaisseau a donné deux coups de talon, sans être bien violent, mais j'ai été secoué. Le vaisseau a talonné à nouveau, très fort. Monsieur de Castellan a paru sur le gaillard. Les officiers de quart demandaient pour le moment « Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» Et tout le monde est resté comme interdit. On a cependant brassé, acculé, croyant pouvoir peut-être parer, mais la mer nous a pris alors en travers. Les horreurs d'un trépas violent et prochain, occasionnées par les lames les plus terribles, les secousses les plus affreuses et les plus réitérées, les roulis les plus grands et les plus vifs ont jeté la terreur sur presque tout le monde. Vers 1h du matin, c'est le choc. « Après avoir tout tenté, l'équipage abandonne le navire. Les esclaves sont condamnés à une mort certaine. Ils ne devront leur salut qu'aux déferlantes qui finiront par disloquer la coque. Chacun s'accrocha comme il put aux débris, surtout à l'arrière, étant le plus considérable, toujours couvert de la mer qui faisait coffre sur nous. Nous nous attendions à être à notre dernier moment. Chaque seconde nous faisait souffrir 1000 morts. À peine pouvions-nous respirer, tant ces furieuses lames étaient vivement répétées. C'est ainsi que nous avons été jusqu'au jour, temps long et affreux. Le jour a enfin paru, et faisant un peu clair, nous avons aperçu la terre. Cela a été annoncé par un cri de joie sortant du sein de la tristesse. Au petit matin, 20 marins et 72 esclaves sont portés disparus sur le livre de bord. La plupart d'entre eux se sont noyés en tentant d'atteindre la plage. Max Guéroux, alors il y avait associé là des documents d'archives que vous avez pu retrouver, hein, mettre à jour pour nous, public avide d'histoire, et puis ces extraits du film de Thierry Ragobert et Emmanuel Roublin, hein, Les esclaves oubliés de Tromelin. Il faut faire un petit point peut-être rapide. Ce bateau, c'est un bateau négrier, une flûte de la Compagnie française des Indes qui s'appelle l'Utile, avec un capitaine, Jean de Lafargue, qui apparaît donc à Port-Louis le 27 juin 1761, destination Foul Pointe, Madagascar. Il y a aussi à bord un certain Barthélemy Casselan-Duvernay, qui est premier lieutenant de vaisseau. Et alors, donc, ce bateau va charger des esclaves. En même temps, vous nous laissez entendre qu'il s'agissait là d'une traite interdite. Oui, alors, d'abord, ce n'est pas vraiment un navire négrier. Hein. C'est un navire de transport de la Compagnie des Indes. On lui interdit de ramener des esclaves, contrairement à l'habitude, parce que on craint un blocus de l'île de France, enfin l'île Maurice actuelle par la Royal Navy. Il y a eu des famines dans l'hiver précédent, et probablement pensant que puisque c'est interdit, ce sera probablement plus lucratif, le capitaine décide d'embarquer des esclaves. Ça procède aussi probablement de son désir de promotion financière et sociale, car il est il s'est marié avec une héritière d'une famille beaucoup plus riche que la sienne, et donc il malgré l'interdiction, il achète 160 esclaves, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de connivence et beaucoup de forcément ces officiers mariniers sont au courant et sont obligés, à mon avis, obligés de le faire, mais le chef de traite, qui normalement est le chef de traite de la compagnie, doit exécuter les ordres de la compagnie, est lui aussi complice, comme probablement à l'arrivée toute l'administration de l'Île-de-France, qui en général achète des esclaves, même si c'est interdit. Quoi. Et donc lui, bien sûr, entend mener sa cargaison jusqu'au bout, donc il est obstiné, imprudent du coup, il est foncièrement responsable du naufrage. Oui, alors, comme c'est interdit que 160 esclaves, c'est quand même assez difficile à dissimuler à l'arrivée, donc il avait l'intention d'emmener toute sa cargaison d'esclaves à l'île Rodrigue, qui est une île qui est à l'est de l'île de France, et probablement de les ramener par petits paquets d'une manière plus discrète. Donc pour gagner l'île Rodrigue, il suit une route inhabituelle, donc il le fait passer à côté de ce Tromelin, mais qui s'appelle à l'époque l'île de Sable et qui n'a été découverte qu'en 1722. Et là, non seulement il dispose de deux cartes qui donnent des positions différentes de l'île, il ne se méfie pas, enfin il prend aucune précaution, c'est-à-dire il choisit autoritairement l'une des deux cartes en disant c'est celle-là la bonne, alors que rien ne prouve que c'est la bonne. Et puis, est totalement imprudent, puisque arrivant dans une zone où on sait que cette île est basse, très peu visible, qu'il a deux cartes avec des positions divergentes, il n'aurait pas dû naviguer de nuit pendant dans cette zone. Donc, et donc des personnes comme justement Cassélan-Duvernay essaient de l'interpeller, il n'écoute personne et c'est le naufrage. Alors il se trouve donc aussi dans une zone, il faut expliquer que l'île Tromelin est une île de 1 km carré. Alors on ne sait pas trop si c'est le sommet émergé d'un volcan sous-marin ou un atoll surélevé, c'est non, ça non, c'est un sommet d'un volcan, dont le pied est à 4500 mètres de profondeur. Et donc qui est situé dans une zone où il y a des conditions difficiles, donc zone d'ouragan, de navigation dangereuse, rien n'y pousse. Oui, on est par une vingtaine de degrés de latitude sud, c'est-à-dire dans la zone où tout chaque année, pendant la période des cyclones, passe une demi-douzaine de cyclones. Quoi. Et donc là, c'est le naufrage, 123 rescapés. Oui, c'est ça. Et 123 de l'équipage. De l'équipage. Et à peu près la moitié des donc 80, esclaves. Environ 80 ouais, esclaves ouais. Qui se retrouvent sur cette île, où on organise deux camps, on récupère les cargaisons, on essaie de sauver tout ce que la mer peut ramener, c'est ça, oui, du naufrage. Et donc là, vous trouvez ça dans les archives, mais il y a une entraide qui se met en place pour construire un bateau de fortune, pour essayer de s'en sortir. Oui, alors le capitaine est complètement traumatisé par le naufrage, il est complètement hors jeu d'ailleurs, et c'est le premier lieutenant, Cassélan-Duvernay, qui va prendre les choses en main et décider de construire un bateau. Il se trouve en plus que le charpentier qui normalement aurait dû l'aider à construire ce bateau est le dernier à avoir été recruté au départ de Bayonne parce qu'on ne trouvait pas de remplaçant. Il n'était probablement pas le meilleur charpentier puisque il était disponible sur le terrain et il était incapable de faire son travail. Et c'est et Cassélan-Duvernay qui fait les plans et qui entreprend la construction avec l'aide d'une partie de l'équipage et des esclaves. Mais il pensait bien emmener tout le monde et finalement il se rend compte que... Oui, alors là, il plane un petit doute. Un doute. Du Buisson, dans son texte, dit que ils avaient envisagé de construire un bateau qui faisait une quinzaine de mètres de long pour emmener tout le monde, mais qu'ils ne trouvent pas de pièces de charpente suffisamment grandes pour faire la quille de ce bateau et qu'ils sont obligés de faire un bateau plus petit. Et bien sûr, compte tenu de la manière dont les choses se passent à l'époque avec les esclaves, il est hors de question que ce soit des membres de l'équipage qui restent, mais que ce soit forcément les esclaves. Mais même si une vraie solidarité et entraide, comme je dis, c'était mise en scène, en tout cas, dans cette étape de construction. Hein. Alors, on va écouter tout de suite un autre extrait d'archives, Max Guérou. C'est justement ce moment-là, ces derniers jours, le 26 septembre, et puis le jour du départ, le 27 septembre 1761. Le 26 septembre, la mer est belle, le bateau a été fini et on a mouillé un grappin d'abordage marié avec une gueuse pour aller au large le grand catamaran. Béni le bateau et nommé la Providence, mouillé après-midi à environ deux fortes encablures et demie de l'île sous le vent. Le 27, lancé le bateau avec beaucoup de travail. Tous embarqués à 5 heures du soir, au nombre de 122, rangés comme des sardines, nous avons appareillé. Le 1er octobre, à 9h du soir, nous sommes à Foule Pointe après avoir de chemin estimé 74 lieues. Nous avons une obligation infinie au pauvre Castellan, mais nos Noirs abandonnés. Je voudrais n'en jamais finir d'en parler, car ils ont fait tout ce qu'on aurait dû attendre d'un équipage qui aurait eu de la bonne volonté et qui chercherait à sauver sa vie. France Culture. La marche des sciences. Aurélie Luneau. Max Guérou, vous avez ces textes-là. En même temps, vous connaissez la totalité des archives et vous savez que ces sentiments, parfois des bons sentiments écrits à certains endroits, ne corroborent pas, en tout cas, ce que l'on peut trouver dans d'autres extraits où là, on a des scènes plus violentes vis-à-vis des esclaves. Oui, dans le même document, Dubuisson a deux attitudes différentes. Quand il est confronté lui-même au choix qu'il a à faire de partager une poutre sur laquelle il flotte avec un esclave, il choisit de dégager l'esclave à coup de pied. Oui, à coup de pied. Et de donner la place à un marin français. C'est probablement la réaction première et les sentiments premiers qui réagissent. Et après, l'extrait qu'on vient de lire, c'est avec du recul, donc on reprend un peu l'expression de la charité chrétienne, oui. Mais on voit bien qu'il y a, qu'il y a deux poids, deux mesures entre ces deux moments. Alors vous, Max Guéroux, quand vous partez, quand vous organisez aussi ces missions archéologiques, hein, il faut convaincre, il y en aura trois, finalement, je disais, de 2006 à 2013, non, quatre, de 2006 à 2013. Vos espoirs en arrivant sur ce lieu, vous dites, je dois tout faire pour comprendre comment ils sont parvenus à survivre, ceux qui sont restés justement sur cet îlot. Oui, alors, bon, la première chose, la première question qu'on se pose, que vous vous posez, c'est comment, sur une île quasiment déserte, loin de tout, ces gens ont-ils réussi à survivre au plan matériel? Oui, parce que loin de tout, mais avec pas grand-chose, et quasiment rien ne pousse sur l'île. Non, sauf, il y a juste des arbustes. Des arbustes. Oui, et en matière de faune? À la faune, alors, il y a des oiseaux qui viennent nicher sur cette île, et beaucoup de tortues qui viennent pondre. On peut y pêcher, mais pas toute l'année, très rarement pendant la période, en dehors de la période des cyclones. Je pense que la seule période où on peut pêcher, c'est pendant la période des cyclones, où il y a des calmes, parce que sinon la mer est très violente, et donc on ne peut pas aller pêcher au-delà des déferlantes, c'est trop loin. Et les périodes de cyclones qui s'étalent de début décembre, hein, au mois d'avril, en gros. Alors, on vous a pris pour un fou, peut-être, au début, non? Parce qu'on vous avait prédit un site archéologique stérile, hein, en vous disant le sable, de toute façon... on a essayé de me dissuader, mais vous savez, il y a toujours des bons amis qui essayent de vous dissuader de faire une chose intéressante. Mais ce que n'avaient pas perçu les gens qui me... Enfin, l'objection, c'était ça. C'est-à-dire, les cyclones passent tous les ans, donc il y a des vents de 200 km à l'heure, il ne va rien rester. Mais en réalité, comme on le verra tout à l'heure, les naufragés ont construit des habitats. Et ces habitats ont servi d'écran au sable, et le sable s'est accumulé. Donc, en fait, non seulement les vestiges n'ont pas été soufflés, mais ils ont été ensevelis dans le sable, et en plus, nous ont livré une espèce de scellé sur le site, puisque après le départ, on verra, après le départ, le sauvetage des esclaves, le sable s'accumule sous une couche de sable blanc immaculé, puisqu'il n'y a personne sur l'île. Et après, quand la station météo va s'installer, on va avoir un autre sédiment, mais on a cette couche de sable blanc qui, quand elle est présente, nous assure que dessous, le sol est dans l'état où il était en 1776, au moment du départ des esclaves. Oui, donc finalement, le sable blanc n'est pas là. Et quand le sable blanc n'est pas là, on sait que les travaux de la station météo sont passés à travers. Alors finalement, donc, qu'est-ce que vous découvrez dans cette aventure? Il faut dire que Tromelin devient avec vous un véritable laboratoire archéologique pluridisciplinaire, et donc aventure scientifique, mémorielle, humaine. Donc les naufragés vont s'installer sur le point haut au nord de l'île, et ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est que finalement ils vont même construire plusieurs bâtiments. Vous avez mis à jour 12 bâtiments dégagés une par les douzaine, il y en a au moins il y en a plus de, hein, il y en a certainement plus, il y en a probablement plus, puisque mais on a eu à la fois du ce que vous disiez tout à l'heure des dommages dus aux constructions de la station météo, mais aussi beaucoup de chance, puisque en espèce de slalom géant au milieu autour des bâtiments récents, on a retrouvé beaucoup de bâtiments dont certains intacts, donc avec tout leur matériel à l'intérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on est capable de dater à peu près. On s'aperçoit qu'au début, il y a une occupation sans construction en dur. Bon, probablement ont-ils repris les voiles qui leur servaient de tente, mais on sait que quand les cyclones passent, ce genre de d'abri ne résiste pas. Et donc, très rapidement, on a dans le sédiment le passage des cyclones, puisque un passage de cyclone, ça souffle le sable, et on a une couche de sable blanc qui marque le passage des cyclones. Ils entreprennent de construire, donc, avec les matériaux qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire des blocs de corail, et des plaques de grès de sable, qu'en français on appelle beach rock, qui est une espèce de béton naturel qui se forme avec de la poussière de corail, de l'eau et du soleil, qui font après 7 ou 8 cm d'épaisseur, et ils vont construire donc leurs habitats avec ces matériaux. Mais avec tout ça, comment est-ce qu'ils parviennent à survivre? Parce qu'il faut quand même se nourrir, il faut vivre au quotidien. Alors, l'autre intérêt, puisque je vous dis que dans une grande partie du site, on est assuré de travailler dans le sol archéologique qui n'a pas été perturbé, on retrouve tous les reliefs de ce qu'ils ont consommé, donc des os d'oiseaux par milliers. Des os de tortue aussi par milliers. Des ustensiles, alors qu'ils avaient récupéré sur le bateau, en tout cas, est-ce qu'ils avaient récupéré des naufrages? Ça pour la nourriture. Donc on a des oiseaux et des et des tortues. Et après, bon, ils récupèrent bien sûr sur le bateau ou sur la plage des ustensiles de cuisine qu'ils vont conserver, réparer, parce qu'entre 15 ans, ils vont souffrir. Comme ce n'est pas suffisant, ils vont en construire en cuivre ou en plomb. De temps en temps, ils vont récupérer des équipements du bateau dont ils vont détourner l'usage pour en faire des ustensiles, marteaux, burins ou autre chose comme ça. Et finalement, ils utilisent très très peu d'éléments sortis du milieu naturel. C'est-à-dire, on trouve une louche qui est formée par un triton dont ils ont agrandi l'ouïe. Mm. On la retrouve sur le récipient où elle servait. Et une porcelaine, que vous connaissez, oui. Une porcelaine qui a été taillée en forme de cuillère. C'est les deux seuls éléments qui sont sur les milliers qu'on a trouvés, qui viennent du milieu naturel. Tout le reste traduit d'abord une forte récupération, mais surtout une industrie des métaux absolument extraordinaire, puisqu'ils fabriquent des cuillères même très très intéressantes. Ils font des pics qui sont à la fois des pics des espèces de fourchettes rudimentaires, mais aussi probablement des peignes pour les chevelures crépues. Et ils réussissent à s'entourer d'un certain nombre d'objets. Et à recréer une vraie micro-société. Oui. Et donc ce mobilier archéologique, je le précise pour les auditeurs, vous pouvez le voir notamment dans l'exposition qui a lieu en ce moment au château des Ducs, enfin de Nantes. Donc c'est au musée d'histoire de Nantes. Oui, le château des Ducs de Bretagne. De Bretagne, oui, au musée d'histoire de Nantes. Elle a été inaugurée le 16 octobre et elle va rester 6 mois, mais elle va après tourner dans plusieurs musées pendant 3 ans. En fait. Et alors j'imagine, pour vous, Max Guiroux, la quête aussi, c'était celle des corps, en tout cas des restes. On écoute un nouvel extrait du film. La pluie a décapé la surface du chantier et fait apparaître dans une couche de sédiments des os longs que l'anthropologue de l'équipe, Thomas Romont, n'a pas de mal à reconnaître. Donc là, on a l'extrémité proximale d'un tibia humain. C'est un jeune adulte qui a entre 18 et 22 ans. Donc là, on a le gauche qui a été trouvé par Max là-bas, et là, le droit. Et c'est le même individu. Vertèbres, côtes, mandibules, fragments de crâne. Ces restes humains semblent indiquer la présence de sépultures. Comment le crâne, la face par ici, c'est par là. Max Guiroux, ça c'était quand? C'est parmi les grands moments. Hein, en 2008, la deuxième mission. Oui. Parce que la première mission, on a fait la fouille sous-marine sur l'épave et on a commencé à chercher des sépultures des gens qui s'étaient noyés sur les hauts de plage sans les trouver. Et puis on a eu la chance en 2006 de trouver un premier pan de mur, de toute évidence probablement construit par les naufragés. Et en 2008, on a eu la chance, en tournant autour d'un bâtiment moderne, de trouver l'essentiel de ce qu'on a trouvé d'ailleurs, puisqu'on a trouvé un bâtiment remarquable, qui était probablement à l'origine une cuisine, avec plus d'une cinquantaine d'objets en place bien rangés, et puis un foyer à l'extérieur avec d'autres récipients. Donc dans cet environnement-là, on avait beaucoup d'indices sur la manière dont ils vivaient. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de montrer les éléments, de trouver les éléments d'une organisation sociale. Il y en a quelques-uns qui sont ténus, mais qui sont réels. Ce sont des bracelets, des bijoux, en fait, une chaînette, un anneau. Les pics dont je vous ai parlé sont décorés. Mais surtout, c'est le travail de Thomas Romond, qui était donc l'archéologue terrestre qui travaillait, de l'INRAP qui travaillait avec nous, c'est de mettre en évidence, sur les 15 ans qu'a duré l'occupation, 4 états différents de leur habitat. C'est-à-dire qu'ils ont en permanence modifié ou adapté leur habitat en fonction des risques naturels qui probablement les ont perturbés. Et ça, c'est effectivement l'indice le plus le plus fort d'une communauté, puisque ce genre de travaux ne peut pas se faire tout seul. Mais oui. Et alors pendant ces années, ces 15 ans qui s'écoulent, eux ne le savent pas, mais il y a quand même des tentatives pour les sauver. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une lettre, la lettre de Castellan-Duvernay justement à Monsieur de Boyne, secrétaire d'État à la Marine. Cette lettre est datée du 14 septembre 1772. Monsieur, l'humanité m'engage de vous faire part qu'étant premier lieutenant sur la flûte l'Utile, j'ai eu le malheur d'éprouver son naufrage le 22 juillet 1761 sur l'île de Sable, qui est au nord de l'île Bourbon, sur laquelle nous restâmes 57 jours. S'il n'était ma santé, qui est délabrée par mes navigations et surtout par les suites de ce naufrage, je vous solliciterais, monsieur, pour m'embarquer sur l'un des petits bâtiments que vous faites partir, afin d'aller reconnaître l'île et distinguer s'il n'y resterait pas encore quelques-uns de ces infortunés noirs. Ce qui est très aisé de découvrir sans mettre pied à terre, vu que l'île est plate et entièrement dépourvue de verdure, ni susceptible d'en produire. On pourrait tirer quelques coups de canon qui réveilleraient ceux qui auraient pu survivre. Je me ferai un devoir de donner le plan de cette île. Je suis très respectueusement, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. Castellan-Duvernay, à Lorient, le 14 septembre 1772. Ari, ari, siri, siri, ara, ari, yo. Ari, ari, ko, gero, nomo, kanda. C'était une chanson, un choix de Max Guérou. Comment prononce-t-on Gang Mondo Arirang, c'est ça, oui. Max Guérou, de Yoon Sub-na. Yoon Sub-na, oui. Qui est donc une chanteuse sud-coréenne. Et vous nous faites vraiment là découvrir une très belle voix. En tout cas, c'est la suite de la Marche des Sciences en direct sur France Culture et en compagnie de l'archéologue Max Guérou, directeur des opérations du groupe de recherche en archéologie navale, auteur avec Thomas Romond du livre Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, paru aux éditions INRAP CNRS. Il y a un autre livre aussi à mentionner. Et je le fais tout de suite, Tromelin, Mémoire du Nil, aux éditions du CNRS que vous avez donc proposé là cette année, Max Guérou. Et puis, bien sûr, on continue ce récit du naufrage survenu au XVIIIe siècle dans l'océan Pacifique et l'aventure archéologique de votre groupe d'hommes, Max Guérou, dont le travail scientifique mené entre 2006 et 2013 croise archéologie et devoir de mémoire. Alors, réaction justement sur ce texte que Régis Royer nous a lu juste avant. La chanson et sur ses tentatives, mais surtout, voilà, c'est, est-ce que véritablement il y avait cette volonté d'aller les chercher, ces esclaves, et finalement, comment ont-ils été sauvés, puisque le 29 novembre 1776, c'est la fin du calvaire. Au départ, il n'y a pas de volonté. Enfin, il y a la volonté de, des Castellans du Vernet qui a promis et qui se sent tenu par sa promesse. Mais il n'est pas entendu. Il rembarque pour la France avant qu'on ait envoyé des secours. Et c'est un moment qui n'est pas très, très bien choisi pour de faire des demandes à la Compagnie des Indes qui fait faillite à la fin de la guerre de 7 ans. Il est en pleine faillite. Donc, la lettre que l'on a lue tout à l'heure est intéressante puisqu'elle se situe en 1772. Et donc 11 ans après les fêtes, mais au moment où le pouvoir royal a repris la gestion des îles, des Mascareignes. Et donc il s'adresse au ministre de la Marine et lui fait cette requête. Et probablement, je n'ai pas retrouvé de documents dans les archives, mais il est probable que de Boine donne des ordres pour qu'on aille voir. Mais avec les délais de transmission des ordres et des contre-ordres à l'époque, ce n'est que 3 ans plus tard que le premier bateau va tenter de faire le sauvetage. Ce bateau-là, j'ai retrouvé sa trace, c'est la Sauterelle. Il envoie une embarcation avec 2 marins qui, bien sûr, se crachent sur le récif. Et l'un des marins qui sait nager regagne son bateau et l'autre, qui probablement nage pas très bien, se retrouve avec les esclaves. D'accord. Et puis on envoie l'année suivante d'autres bateaux, sans succès, sans qu'ils puissent prendre contact avec la terre. Et à ce moment-là, le matelot français construit un radeau avec les débris de l'épave, qui sont encore là, et part avec les 3 derniers hommes et 3 femmes, 4 mois avant le sauvetage final, qui sera le fait du chevalier de Tromelin. Enfin, il n'était pas chevalier à l'époque, l'enseigne de vaisseau de Tromelin, qui commande donc la Dauphine, et qui va sauver 7 femmes et un bébé. 7 femmes et un bébé. Donc le bébé, tout le monde me parle de qui est le père du bébé. Donc il a eu 3 chances sur 4 d'avoir un père malgache, et 1 chance sur 4 d'avoir un père français. Donc sauvetage survenu le 29 novembre 1776. Alors c'est une histoire, c'est une leçon, une humanité jamais brisée, cette histoire de Tromelin, Max Guéroux, et on se pose la question, il y a eu ces 4 missions, qu'est-ce qui reste encore à faire sur Tromelin? Nous, on a un gros manque, c'est qu'on n'a pas trouvé les sépultures, si vous voulez. L'historique de l'île, on sait que des marins anglais ont débarqué sur l'île, en particulier en 1851, et le commandant du bateau décrit ce qu'il pense être des tombes. Le problème, c'est qu'il dit c'est dans le voisinage, et le voisinage n'est pas une expression très précise pour un archéologue. Donc, malgré nos recherches, le problème, c'est que plus on s'élargit, plus le terrain à couvrir est grand. À part les 2 corps dont on a parlé tout à l'heure dans l'extrait du film, on n'a pas trouvé ces sépultures. Donc les 2 corps qu'on a trouvés, malheureusement, ont été très curieusement probablement pelletés par les ouvriers qui creusaient les fondations des bâtiments de la station météo en 1954 ou 1955, que tout le monde a jeté un voile public là-dessus et que personne n'en a parlé. Qui est très étonnant, parce que les ouvriers étaient des ouvriers malgaches, et c'est très étonnant de leur part. Il est probablement qu'il y avait un chef français qui a mis le boisseau sur cette histoire. Donc nous, le grand déficit de notre recherche, c'est ça, c'est que on est bien sûr certain que si on trouve les sépultures, puisque si on fait le total des calculs que je vous passe dans le détail, il y a au moins une quarantaine de, au moins entre 40 et 50 malgaches qui sont morts pendant leur séjour sur l'île. Parce que ce que j'ai pas dit, il y a une vingtaine d'entre eux sont partis très tôt sur un radeau. Donc, si on trouve ces sépultures, on aura beaucoup d'informations sur le ratio homme-femme, savoir s'il y a des enfants qui sont nés, s'il y a des pathologies apparentes, etc. Donc ça peut nous donner énormément d'informations qui viendraient compléter un travail qui, pour l'instant, est déjà très, très, très intéressant. Alors, dernière question. Que sont devenus justement ces esclaves qui ont été sauvés? Bien, ils ont été... D'abord, il y avait le bébé, sa mère et sa grand-mère parmi les rescapés. Et donc, l'intendant des îles, preuve que les mentalités avaient changé, les a pris dans sa maison civile et s'est occupé d'eux. Les autres, on ne sait pas. On a retrouvé le certificat de baptême du petit garçon. Mais on leur a rendu leur liberté. on ne leur a pas rendu leur liberté. Parce qu'on parce qu'on les a pas considérés comme esclaves. Puisque dans la mesure où ils avaient été achetés en fraude, on les a seulement déclarés libres. Oui. Ils n'ont pas été affranchis. Oui. Mais eux ne voulaient pas retourner d'où ils venaient. Ils ont refusé de retourner à Madagascar. Il y avait quelques raisons de se méfier aussi des Français. Une leçon pour l'avenir, en tout cas, c'est la question qui se pose par rapport à cette histoire de Tromelin. Extrait. Alors je pense, oui, qu'il y a un avenir. Il y a un avenir aussi pour peut-être nous faire penser aux nouvelles formes de servitude aujourd'hui. Et de voir que tout cela n'est pas terminé, même si l'esclavage aujourd'hui est un crime dans le droit, il reste quand même une pratique. Et comment tous nous sommes, puisque nous sommes des citoyens, responsables aussi pour que toutes ces formes de servitude soient abolies. Maïs Guiroux, c'est le témoignage de Françoise Vergès, présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et donc qui pense que effectivement cette histoire de Tromelin peut aussi servir pour aujourd'hui, pour demain, par rapport aux esclaves, l'esclavage moderne. Et donc il y a toute cette valeur symbolique, hein, en sachant qu'une plaque a été apposée d'ailleurs le 16 avril 2013 à Tromelin. Oui, puis il y a aussi le poids de l'esclavage sur les générations suivantes. Ce qui m'a finalement induit à continuer ce travail, c'est que je me suis rendu compte que des descendants de troisième, quatrième degré refusaient qu'on parle du fait qu'ils étaient esclaves. Parce que vous avez reçu des mails, vous avez été contacté? Oui. J'ai eu j'en ai parlé dans le film. Un jour, j'ai reçu un mail très, très étonnant d'une jeune femme qui me dit est-ce qu'un esclave peut porter le nom du bateau qui l'a emmené? Alors je dis, sur un navire négrier, je ne sais pas, mais dans notre cas précis, je sais que la mère du petit garçon a été certes appelée Ève, mais la grand-mère était appelée Dauphine du nom du bateau qui les a sauvés. Alors je lui dis, mais pourquoi vous me demandez, vous me posez cette question? Il me dit, parce que mon arrière-grand-mère s'appelle Lutile, qui était le nom du bateau. Oui, du premier. Et donc, on a échangé, elle était très, très précautionneuse, elle disait très peu de choses. Bon, après, ça s'est détendu et à un moment donné, je lui ai dit « Est-ce que vous acceptez que l'on mette sur notre forum cet échange ? Ça va intéresser beaucoup de gens. » Et elle m'a dit « Non, surtout pas, je ne veux pas. » Et oui, il y a encore cette honte. Et pour moi, ça a été un déclic important. Sûrement. Ouais. Et c'est le pas qu'il faut franchir, oui. Probablement pour vous, pour le travail scientifique que l'on fait, c'est d'aboutir à ce qu'il n'y ait plus cette honte et cet opprobre. Tout à fait, oui. Merci Max Guiroux pour en tout cas avoir partagé cette histoire avec nous dans cette première partie de La Marche des Sciences. Merci Régis Royer. Et je cite juste quelques références, on les retrouvera bien sûr grâce à Catherine Donnet sur le site de l'émission. Donc notamment le livre Max Guiroux que vous avez écrit avec Thomas Romont, Tromelin, L'île aux esclaves, oublié, paru aux éditions INRAP CNRS. La bande dessinée de Savoya, Les esclaves oubliés de Tromelin, aux éditions Air Libre, très belle BD qui offre cette double histoire du naufrage des esclaves et puis des missions de fouilles, on vous y retrouve. Le film Les esclaves oubliés de Tromelin de Thierry Ragobert et Emmanuel Roblin, que l'on peut retrouver dans le livre documentaire que vous avez commis, Max Guiroux, qui s'appelle Esclaves et négriers, paru chez Fleurus. Et puis l'exposition aussi à découvrir en ce moment à Nantes, au Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes, jusqu'au 30 avril 2016. Et à signaler justement l'émission Le Salon Noir de notre ami Vincent Charpentier sur ce sujet, son émission du 31 octobre, que l'on mettra également en lien sur notre site. Voilà. Vous restez avec nous, seconde partie de l'émission. France Culture, La Marche des Sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire. Alors avec tout d'abord des films à vous conseiller à l'approche de la COP21 qui s'ouvrira à Paris le 30 novembre. Et je commence par le documentaire bimédia participatif « Nos chers paradis » réalisé par Blandine Grosjean et Emmanuel Roy pour Arte qui sera diffusé mardi prochain sur cette chaîne à 22h40. Et c'est là le pari de réaliser un film à partir de vidéos envoyées par des citoyens de 49 pays d'Europe avec un objectif, montrer leur coin de nature préféré. Et ce sont des coins souvent menacés par les dérèglements climatiques. C'est une première en tout cas, ce genre de documentaire, à la fois donc participatif et puis bimédia, et donc une première à découvrir, un film qui prend place dans une programmation spéciale d'Arte intitulée Opération Climat, à ne pas rater en tout cas, selon mon avis, à partir du samedi 21 novembre, tout le détail sur notre site également. Et une autre façon de révéler les enjeux sur ce terrain des sciences et de leur histoire, c'est le film de Luc Jacquet, La glace et le feu, projeté sur grand écran en ce moment. L'histoire du pionnier de la glaciologie, Claude Lorius, parti pour la première fois en Antarctique à 23 ans en 1956 et qui a voué sa vie à comprendre et faire comprendre le phénomène du réchauffement climatique grâce aux études des carottes glaciaires et en remontant jusqu'à 800 000 ans en arrière. C'est la passion jusqu'au bout des limites humaines, on peut le dire, quand on voit ce film et ce constat imparable, l'homme modifie le climat. Et puis l'histoire des sciences, c'est aussi l'histoire des femmes en sciences. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio l'une des lauréates du prix Irène Joliot-Curie 2015, prix destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France. Bonjour Ruth Carvalho-Lopez. Bonjour. Vous êtes docteur en microbiologie, vous avez eu le prix, donc ces femmes, jeunes femmes scientifiques de l'année, aux côtés de deux autres lauréates. Et vous êtes originaire de Barcelone et vous avez quitté donc Barcelone à 17 ans avec cette passion de la recherche du vivant. Hein, et donc c'est une passion qui remonte à quand ? Ouh, je pense que c'est des choses qu'on a en soi depuis toujours, cette curiosité pour la recherche, la découverte. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené probablement à quitter l'Espagne en quête de nouvelles aventures. Et après, j'étais au bon endroit, au bon moment, et c'est ce qui m'a permis de continuer dans cette voie. Alors, vous faites des études qui peuvent sembler compliquées, enfin pour nous sur le terrain, et en même temps qui résonnent dans notre quotidien, on va le comprendre. L'étude de simples cellules bactériennes, en fait, permettent, on le découvre avec vous, de grandes avancées. C'est cette façon de traquer les secrets de leur architecture. Alors, avant d'en parler, on va s'intéresser à votre parcours. Parce que ce prix, Irène Joliot-Curie, salue à la fois le parcours d'une femme, la passion, l'importance des travaux, et puis l'exemple que vous pouvez être en tant que femme de science. Votre parcours, alors, il est jalonné de nombreux diplômes et de prix. Hein, DEA de microbiologie fondamentale à l'Institut Pasteur de Paris, suivi d'un doctorat à l'Université d'Oxford, et puis donc des travaux de thèse récompensés, mais qui ont contribué à mettre le doigt sur la découverte du cytosquelette d'actine bactérien. Là, il faut que vous nous expliquiez. Donc, pour faire simple, ce qu'on a trouvé, c'était que les cellules bactériennes, qui sont des cellules très très simples, à différence de nos cellules, on est des organismes multicellulaires, elles avaient un cytosquelette. Ça veut dire qu'elles avaient des protéines à l'intérieur qui formaient des réseaux qui les aidaient à s'organiser. D'accord. Donc en fait, pour expliquer un petit peu plus, de façon plus générale, on pensait en gros que les bactéries étaient comme des petits sachets de thé, on va dire, avec une petite soupe de tout mélangé à l'intérieur. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'ils ont une complexité énorme, très similaire à celle des cellules, des organismes supérieurs. Et donc, c'était suite à cette découverte des actines bactériennes qu'on a pu progresser dans ces recherches. Et parce que finalement, bon, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'on est constitué de différentes cellules et de bactéries, hein, bien sûr, et qu'aujourd'hui, ces travaux permettent de se projeter sur une possible médecine ou technique pour utiliser ces bactéries et améliorer, j'imagine, ou peut-être même trouver des solutions face à des maladies. En tout cas, vous, quand vous êtes lancé sur ces recherches, vous vous êtes dit quoi ? Voilà, je veux travailler là-dessus parce que moi, idéalement, je voudrais pouvoir découvrir, le miracle qui sauverait le monde. Honnêtement, non, je pense pas que je voyais des objectifs très précis. Je voulais juste avancer dans les connaissances qu'on avait. On fait ça parce qu'on aime ça. Et on essaye. Alors nous, on fait vraiment la recherche fondamentale. Donc on essaie d'élargir les connaissances. On n'a pas des applications très précises à mettre en place tout de suite à l'issue de nos recherches. Mais on a bien sûr en tête qu'on essaie de contribuer justement dans notre cas précis à par exemple l'identification des nouvelles cibles d'antibiotiques ou des nouveaux antibiotiques. Eh oui, c'est parce que souvent la recherche fondamentale, la recherche appliquée marche main dans la main de plus en plus aujourd'hui. Et donc ce que vous nous dites, c'est qu'avec vos travaux, vos recherches sur ces bactéries spécifiques, c'est pouvoir améliorer. Alors de quelle façon vous dites le rôle ou l'effet des antibiotiques ? Alors, nous... C'est l'espoir. En particulier, oui, et pas si lointain. En fait, là, ce qu'on étudie actuellement, c'est la forme des bactéries. Donc, c'est très simple. Il y a des bactéries qui sont esphériques. On entend parler des Staphylococcus aureus, par exemple, qui est responsable des grandes parties des maladies nosocomiales dans les hôpitaux. On a des bactéries en forme de ballons de rugby, par exemple, Streptococcus pneumoniae, qui est l'agent qui cause la pneumonie. On a des petits bâtonnets, comme notre bactérie modèle, ou Bacillus anthrax, par exemple, qui est aussi connu. Oui. Donc, en fait, les bactéries, elles ont des formes très, très différentes. Certaines très simples, comme est-ce que j'ai dit, une sphère, un petit ballon rugby, un bâtonnet. Mais après, il y a beaucoup de formes et très complexes. Et cette forme, elle est donnée par leur paroi. Donc, à différence de nos cellules, ils ont une coque, on va dire, un exosquelette très rigide à l'extérieur et qui est unique aux bactéries. Et en fait, cette particularité permet qu'on l'utilise comme cible pour des antibiotiques. Donc en gros, les bactéries ont une paroi, nous non. Donc on peut l'attaquer, on peut la détruire et se débarrasser de ces bactéries pathogènes. On se croirait dans un jeu vidéo. À peu près. Et donc nous, on essaie de comprendre comment cette paroi elle est synthétisée, donc oui. Comment les bactéries elles ont différentes formes. Et il faut comprendre pour après trouver des cibles et pour pouvoir inhiber, dans ces cas précis, la synthèse de la paroi pour traiter une infection. Alors, depuis 2008, vous dirigez une équipe, donc Pro-CED, on dit ça, ou Pro-CED ? C'est Pro-CED. Pro-CED. Ouais. En fait, c'est Prokaryotic Cell Development. Donc, d'accord. C'est le développement des cellules prokaryotes aux bactériennes. Et avec un programme ambitieux, de nombreuses collaborations. Donc, là, concrètement, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous ? Là, au laboratoire, actuellement, on est beaucoup, on est 17. Avec parité, à parité égale ? Bon, sur 17, c'est pas facile, mais... Oui. en fait, j'ai pas fait exprès, mais j'y tiens beaucoup. Et on a à peu près pareil, je pense, là tout de suite... 8 hommes, 9 femmes, j'avais noté. Ah bah voilà, moi, si j'avais noté, c'est ouais, bien. Donc presque. Après... Et pluridisciplinaire, interdisciplinarité, c'est ça qui fait aussi le secret de ces recherches. C'est vraiment l'interdisciplinarité qui est centrale dans la méthodologie de l'équipe. Donc vous cherchez à déterminer les rôles des actines bactériennes dans différents processus cellulaires. C'est à la fois... Vous, cet engagement de femme, le prix Irène Joliot-Curie, un parcours, cette équipe que vous dirigez, et puis un engagement aussi en faveur des femmes. Il faut qu'on en parle parce que on imagine que la recherche vous prend beaucoup de temps quand même. Mm-hmm. Et en même temps, vous prenez aussi, vous, du temps pour aller enseigner auprès de femmes ailleurs dans le monde. En tout cas, vous l'avez fait. Ça, je l'ai fait il y a longtemps. Là, actuellement, j'ai plus de temps parce que j'ai des enfants. Mais oui, je pense que c'est très important parce que dans la recherche, comme dans d'autres métiers, je pense que la parité n'est pas très là pour l'instant. Donc oui, j'ai même nom des femmes et d'hommes, mais malheureusement, le niveau n'est pas le même. Donc en fait, les femmes, on est beaucoup au début... Donc à l'issue des études universitaires, oui. mais après voilà à mesure qu'on progresse dans les différents échelons de la recherche, les femmes elles laissent tomber. Et oui, elles laissent tomber pour les vies de famille souvent, c'est ce paramètre-là. Hein. Je pense qu'il y a deux difficultés particulières pour les femmes. Une, c'est ce que vous avez dit, c'est l'investissement que ça demande. C'est génial parce qu'on vit de notre passion, mais en même temps, ça demande une forte dédication. Donc, on y passe beaucoup, beaucoup de temps. Là, en fait, j'ai un postdoc qui vient de quitter le laboratoire, qui a un potentiel énorme, mais il me disait justement ça. Il me disait, c'est trop. Vous avez presque, j'ai bien aimé en fait l'analogie, mais vous avez presque des vies d'artistes. Parce que ça prend vraiment beaucoup et, oui. Et voilà, parce qu'on fait ça tout le temps en gros, parce qu'on aime ça. Mais pour les femmes aussi, je dirais qu'il y a une deuxième difficulté et qui est que c'est quand même un métier, comme la plupart, qui a des standards masculins. Donc voilà, on attend de nous qu'on fasse un petit peu comme les hommes. Or, je pense qu'au final, on est moins visible en science. On a moins des postes de responsabilité parce que ma conclusion personnelle, c'est que finalement, on a d'autres priorités souvent. Oui, et après ce que vous mettez aussi en place dans votre équipe, il faut le souligner parce que ça fonctionne, c'est aussi d'aménager un petit peu ce temps, c'est-à-dire le temps des femmes qui n'est pas forcément le temps des hommes et que une femme scientifique ou autre hein, d'ailleurs peut très bien aussi organiser sa vie en rentrant un peu plus tôt à la maison et en travaillant depuis la maison et c'est pas forcément le nombre d'heures passées au bureau mais c'est surtout la qualité du travail, vous le mettez en pratique, vous rendez compte que ça marche. Oui. Donc c'est peut-être là aussi qu'il y a une autre solution. Oui, oui, tout à fait. Donc moi personnellement, j'ai une priorité qui est mes enfants. Donc j'ai mis ça en avant et après, oui, on organise le reste autour et je pense que c'est faisable. Eh ben super, merci Ruth Carvalho-Lopez. Je rappelle que vous êtes lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2015, jeune femme scientifique destinée à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie en France. Donc ce prix, voilà, bravo à vous et surtout toutes les informations, les liens retrouvés sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives. Et vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an. Et c'est la fin de ce numéro de La Marche des Sciences. Merci de votre fidélité. L'émission a été préparée, comme d'habitude, par Catherine Donnet. Anaïs Morales était aux commandes pour les archives. Et je n'oublie pas Régis Royer pour la lecture des textes, à la documentation sonore Radio France Odile Jossel, à la réalisation la merveilleuse Alexandra Malka, qui va juste prendre un petit quelques jours de congé la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, elle revient. La technique Élise Le, la semaine prochaine aussi, émission spéciale Grand Portrait dans le cadre d'une semaine thématique des émissions sciences. L'homme et son environnement, regard croisé. Et c'est le regard et le parcours d'Annie Cazenave, spécialiste en océanographie et géodésie spatiale, membre de l'Académie des sciences et du GIEC, que nous vous ferons découvrir.